Le matin, vers 6 heures, un domestique du préfet frappait à la maison d'Orso. Reçu par Colomba, il lui dit que le préfet allait partir et qu'il attendait son frère. Colomba répondit sans hésiter que son frère venait de tomber dans l'escalier et de se fouler le pied. Qu'étant hors d'état de faire un pas, il suppliait monsieur le préfet de l'excuser et serait très reconnaissant s'il daignait prendre la peine de passer chez lui. Peu après ce message, Orso descendit et demanda à sa sœur si le préfet ne l'avait pas envoyé chercher. « Il vous prie de l'attendre ici, » dit-elle, avec la plus grande assurance. Une demi-heure s'écoula, sans qu'on aperçût le moindre mouvement du côté de la maison des Baricini. Cependant, Orso demandait à Colomba si elle avait fait quelque découverte. Elle répondit qu'elle s'expliquerait devant le préfet. Elle affectait un grand calme, mais son teint et ses yeux annonçait une agitation fébrile. Enfin, on vit s'ouvrir la porte de la maison Baricini. Le préfet, en habit de voyage, sortit le premier, suivi du maire et de ses deux fils. Quelle fut la stupéfaction des habitants de Pietranera, aux aguets depuis le lever de soleil, pour assister au départ du premier magistrat du département, lorsqu'ils le virent, accompagné des trois Baricini, traverser la place en droite ligne et entrer dans la maison de l'Arabia. « Ils font la paix !» s'écrièrent les politiques du village. « Je vous le disais bien, » ajouta un vieillard. « Orso Antonio a trop vécu sur le continent pour faire les choses comme un homme de cœur. »« Pourtant, » répondit un rébianiste, « remarquez que ce sont les Baricini qui viennent le trouver. Ils demandent grâce. »« C'est le préfet qui les a tous embobelinés, » répliqua le vieillard. « On n'a plus de courage aujourd'hui. Et les jeunes gens se soucient du sang de leur père comme s'ils étaient tous des bâtards. » Le préfet ne fut pas médiocrement surpris de trouver Orso debout et marchant sans peine. En deux mots, Colomba s'accusa de son mensonge et lui en demanda pardon. « Si vous aviez demeuré ailleurs, monsieur le préfet, dit-elle, mon frère serait allé dès hier vous présenter ses respects. » Orso se confondait en excuses, protestant qu'il n'était pour rien dans cette ruse ridicule dont il était profondément mortifié. Le préfet et le vieux Baricini parurent croire à la sincérité de ses regrets, justifiés d'ailleurs par sa confusion et les reproches qu'il adressait à sa sœur. Mais les filles du maire ne parurent pas satisfaits. « On se moque de nous !» dit Orlanduccio, assez haut pour être entendu. « Si ma sœur me jouait de ses tours, dit Vincentello, je lui ôterais bien vite l'envie de recommencer. » Ces paroles et le ton dont elles furent prononcées déplurent à Orso et lui firent perdre un peu de sa bonne volonté. Il échangea avec les jeunes Baricini des regards où ne se peignait nulle bienveillance. Cependant, tout le monde étant assis, à l'exception de Colomba, qui se tenait debout près de la porte de la cuisine, le préfet prit la parole et, après quelques lieux communs sur les préjugés du pays, rappela que la plupart des inimitiés les plus invétérées n'avaient pour cause que des malentendus. Puis, s'adressant au maire, il lui dit que M. Dell'Arabia n'avait jamais cru que la famille Baricini eût pris une part directe ou indirecte dans l'événement déplorable qu'il avait privé de son père. Qu'à la vérité, il avait conservé quelques doutes relatifs à une particularité du procès qui avait existé entre les deux familles. Que ce doute s'excusait par la longue absence de M. Orso et la nature des renseignements qu'il avait reçus. Qu'éclairé maintenant par des révélations récentes, il se tenait pour complètement satisfait et désirait établir avec M. Baricini et ses fils des relations d'amitié et de bon voisinage.